3 weeks retreat at Dhammaransi Meditation Center started yesterday. Yesterday, I didn't give a Dhamma talk, but play the tape. You listened the benefits of practicing Vipassana meditation. Today, even though the beginning of the retreat, I will not talk about the benefits as you have already listened. But I would like to start with the recitation, the benefits of practicing Vipassana meditation given by the Buddha, respectfully. We have to respect to our teacher, the Buddha. According to the teachings of the Buddha, our late most venerable Mahasi Sayadawji explained the practice according to the Satipatthana Sutta. That's why I would like to start with the recitation. Cette retraite de 3 semaines à Dhammaransi a débuté hier. Hier, vous n'avez pas entendu, je n'ai pas donné d'enseignement sur le Dhamma. Vous avez écouté une cassette à propos des bénéfices de la pratique de Vipassana. Aujourd'hui, je ne parlerai donc pas des bénéfices de la pratique de Vipassana, puisque vous avez entendu la cassette hier. Mais, par respect pour notre professeur, le Bouddha, et par respect pour le très vénérable Mahasi Sayadaw, dont les enseignements se basent sur le Satipatthana Sutta du Bouddha, je voudrais commencer cette séance par la récitation du texte Pali à propos des bénéfices de la pratique. Ceci est le seul chemin, Bhikkhu, pour la purification des êtres, pour la victoire sur le chagrin et les lamentations, pour la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, pour l'atteinte du noble chemin et du noble fruit, pour la réalisation de Nibbana, à savoir les 4 établissements de l'attention. Si donc nous pratiquons Satipatthana, il est possible que nous obtenions ces 7 bénéfices. Hier, dans la cassette, vous avez entendu en quoi consistent les 7 bénéfices de Satipatthana. Quels sont les 4 Satipatthana? Les 4 établissements pour l'attention. D'abord, Kaya Nupassana, l'attention au corps. Ensuite, Vedana Nupassana, l'attention aux sensations. Ensuite, Chitta Nupassana, l'attention à la conscience. Et enfin, Dhamma Nupassana, l'attention au Dhamma. Ce sont donc là les 4 établissements pour l'attention. Le Bouddha explique comment pratiquer les 4 établissements pour l'attention. Vous avez entendu le texte Pali et vous avez écouté attentivement. Pour la contemplation du corps, Kaya Nupassana, le texte dit ceci. Le bhikkhu ou le yogi demeure contemplant le corps dans le corps, avec ardeur, claire compréhension et attention, ayant éliminé toute forme d'avidité et de colère dans le monde. Telles sont donc les instructions du Bouddha pour Kaya Nupassana, l'attention au corps. Qu'est-ce que le corps? Avant son illumination, avant d'avoir atteint l'omniscience, le Bouddha était un être humain comme nous. Il n'avait pas encore réalisé la véritable nature, ni du corps, ni de l'esprit. Mais dès qu'il atteint l'omniscience, il réalisa que ce corps est impermanent. Il apparaît, disparaît à chaque instant. Il est anicca. À cause de cette impermanence, le corps est insatisfaisant, il est dukkha. Et il n'y a pas non plus à l'intérieur de ce corps une entité permanente, un ego, qui en serait le dépositaire. Le Bouddha a vu cela très clairement. Nous, Putujana, êtres non illuminés, nous avons encore beaucoup d'impuretés, comme le désir, l'oba, la colère, dosa et l'ignorance, moha. À cause de ces impuretés, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont réellement. Nous ne voyons pas que tout est anicca, dukkha et anatta. Et si nous ne le voyons pas, c'est parce que nos esprits sont illusionnés. Quand on pratique la méditation Satipatthana, le but, c'est de comprendre l'enseignement du Bouddha. Nous devons réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement, à réaliser l'enseignement du Bouddha. Nous devons comprendre ce que le Bouddha veut dire. Dans le texte, le Bouddha parle d'observer le corps dans le corps. Ceci est difficile à comprendre. Pourquoi faut-il être attentif au corps? Pour réaliser que ce corps est anicca, impermanent, dukkha, insatisfaisant, et anatta, insubstantiel. Lorsqu'on pratique Satipatthana, le but c'est de réaliser très clairement l'enseignement du Bouddha. La méditation n'est pas quelque chose de facile. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Le Bouddha précise que si on pratique Satipatthana, il faudra que Atapi soit présente. Atapi, c'est l'effort vigoureux. Il faudra également que Satima soit présente. Satima, c'est une forte attention. Il faudra donc être attentif. Et pour y arriver, il faudra fournir un effort. Si nous voulons réussir à comprendre l'enseignement du Bouddha, il faudra que nous fassions un effort, car sans effort, nous ne pourrons pas être attentifs. Cet effort peut être appelé détermination, énergie. Nous, Putujana, nous avons encore beaucoup d'impuretés dans notre esprit. Nous ne réussissons pas à être attentifs sans interruption. Quand nous méditons, nous essayons d'appliquer les instructions. Nous essayons d'être attentifs au corps et à l'esprit. Nous essayons de pratiquer en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Nous essayons d'emmener notre attention partout avec nous. En posture assise, nous maintenons le dos bien droit. Nous ne respirons ni trop fort, ni trop doucement, mais avec attention. Nous dirigeons notre attention vers l'abdomen et notons le mouvement de soulèvement comme étant le mouvement de soulèvement, le mouvement d'abaissement comme étant le mouvement d'abaissement. Et nous essayons de faire cela, sans interruption, le plus longtemps possible. Lorsque nous notons soulèvement, nous sommes très attentifs au mouvement de soulèvement. Nous devons également fournir une énergie mentale et travailler avec détermination. Nous devons nous dire par exemple, je vais essayer d'observer très attentivement ce mouvement. Lorsque nous notons abaissement, nous devons également être très attentifs au mouvement d'abaissement. Et de nouveau, nous devons fournir un effort, une énergie mentale et travailler avec détermination. De cette façon, nous réussirons à suivre ces mouvements. Si vous réussissez à suivre attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous verrez le changement. Vous notez par exemple soulèvement très attentivement et vous voyez votre abdomen qui se soulève. À la fin du mouvement, vous constatez que ce soulèvement de l'abdomen a disparu. apparaît alors le mouvement d'abaissement. Vous notez abaissement. Vous maintenez votre attention du début à la fin, et à la fin du mouvement, de nouveau, vous constatez que cet abaissement a disparu. Vous voyez alors apparaître de nouveau un soulèvement, et ainsi de suite. De cette façon, si vous notez très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous serez en mesure de voir que tout cela change constamment. Dès que vous aurez réussi à noter facilement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous deviendrez capable de voir très clairement le changement qui se produit constamment dans cette région du corps. Et si vous voyez clairement le changement, vous comprendrez aussi en quoi consiste dukkha, l'insatisfaction. Vous comprendrez également qu'il n'y a personne, pas d'ego, pas d'entité permanente à l'intérieur de ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous verrez clairement, parce que vous êtes devenu capable de noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Et si vous êtes vraiment attentif au corps, vous n'y serez plus tellement attaché, car à chaque instant, vous expérimenterez anicca, l'impermanence, dukkha, l'insatisfaction et anatta, l'insubstantialité. Vous commencez à vous détacher de ces choses. Mais la théorie est très simple. La pratique, par contre, est très difficile. Vous savez, en théorie, qu'il faut toujours être attentif, que dès qu'il y a un bruit, vous devez noter entendre, lorsqu'il y a une image, vous devez noter voir. Lorsqu'il y a une pensée, vous devez noter pensée. En théorie, tout ceci est très facile. Mais en pratique, c'est très difficile. Vous essayez de maintenir votre esprit sur l'abdomen, mais vous ne réussissez à l'y maintenir que pendant quelques secondes. Après, il s'envole, il vagabonde. Et parfois, vous n'en êtes même pas conscient au début de la pratique. Ce n'est pas facile de maintenir l'esprit fixé sur l'objet d'attention. Nous, Putujana, nous avons beaucoup d'attachement pour notre corps et pour notre esprit. Même si nous pratiquons Satipatthana, et même si nous avons commencé à développer notre attention, il n'est pas facile d'accepter l'enseignement du Bouddha. Nous avons déjà expérimenté dans une certaine mesure le changement en nous, mais nous ne sommes pas encore en mesure d'accepter ni anicca, ni dukkha, ni anatta. Nous continuons à croire que ce corps nous appartient, qu'il est agréable de le posséder, qu'il existe bel et bien. Mais le Bouddha nous dit que le corps, en réalité, n'est pas beau, qu'il est en décomposition permanente. Il y avait, du temps du Bouddha, un moine du nom de Wokali. Avant de se faire moine, cette personne désirait constamment contempler la personne du Bouddha, qui était, il faut le dire, très élégant. Ce Wokali, pour avoir l'occasion de se trouver souvent en compagnie du Bouddha, se fit moine, pour pouvoir le contempler plus souvent. Au début, le Bouddha ne lui dit rien, ne lui fit aucune remarque. Mais, juste avant le début du Vassa, la retraite de la mousson, le Bouddha lui dit « Wokali, pourquoi contemples-tu toujours ce corps? Ce corps n'est pas beau, ce corps est en décomposition permanente. » Mais Wokali n'était pas capable d'accepter cela, et nous non plus, Putujana, nous ne réalisons pas, nous ne pouvons pas accepter cet enseignement du Bouddha, car nous avons un fort attachement pour notre corps et pour notre esprit. Tant que nos connaissances intuitives ne se seront pas développées, tant que nous n'aurons pas atteint l'illumination, nous ne comprendrons pas ce que le Bouddha veut dire. Nous continuerons à penser que notre corps est beau, qu'il est agréable de le posséder, et tout ceci est naturel et normal. Mais si on pratique Satipatthana, c'est pour voir réellement Anicca, Dukkha et Anatta. Nous devons donc réussir à voir Anicca, Dukkha et Anatta très clairement. Nous devons réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pour y arriver, le Bouddha nous donne trois outils. Atapa, l'effort soutenu. Nous devons pratiquer de façon diligente et avec ardeur. Ensuite, Satima, l'attention ininterrompue. Si nous sommes attentifs sans interruption et que nous fournissons un effort, nous aurons automatiquement ce troisième outil, Sampajana. Sampajana, c'est la claire compréhension. C'est comprendre à fond l'enseignement du Bouddha. Autrement dit, comprendre à fond Anicca, Dukkha et Anatta. Lorsque ces trois qualités se seront développées, nous serons en mesure d'accepter l'enseignement du Bouddha. Lorsque nous sommes attentifs au corps et que nous essayons de l'être de façon ininterrompue, la confiance va se développer. Nous serons devenus capables d'observer sans interruption tous les phénomènes qui se manifestent dans le corps et dans l'esprit à chaque instant. Cette confiance, vérifiée par l'expérience, va nous permettre de croire en le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Mais ce n'est pas facile de comprendre Anicca, Dukkha et Anatta. Si nous sommes très attentifs au corps, autrement dit au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous pourrons constater qu'il n'y a pas d'impuretés très grossières dans notre esprit. Les impuretés grossières, c'est lobha, le désir, et dosa, la colère. Lobha, le désir, peut parfois être très violent. On parle alors d'avidité. La colère également est une émotion très forte. Mais si nous pratiquons l'attention au corps, au moment précis où nous notons ces mouvements de soulèvement et d'abaissement, nous pourrons constater qu'il n'y a ni désir ni colère dans notre esprit. C'est la signification de la phrase Pali du Bouddha, éliminant l'avidité et la colère dans le monde. Nous devons respecter notre pratique et respecter les instructions du Bouddha. Lorsque nous observons l'abdomen et que nous notons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous devons le faire très attentivement, de façon à sentir le mouvement. Pour y arriver, la respiration est cruciale. Si la respiration est trop superficielle, nous ne pourrons pas sentir les mouvements. Par contre, si elle est trop profonde, ce n'est pas bon non plus. Il faut respirer de façon naturelle, mais de façon complète. Il faut que l'air descende jusque dans la région du nombril. En général, nous ne respirons pas bien. La respiration est courte et les mouvements se manifestent dans la région du thorax, pas dans l'abdomen. C'est pourquoi il est recommandé de respirer de façon complète avec attention. Si nous respirons avec attention, l'air descendra jusque dans la région du nombril et nous pourrons sentir très facilement les mouvements. Si vous essayez d'être très attentif au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que vous essayez de maintenir votre attention du début à la fin, il est possible que vous soyez très fatigué. Il est possible que vous, par moments, vous ayez beaucoup de transpiration. Tout cela sont les indices que vous fournissez ce puissant effort. Si vous ne fournissez pas ce puissant effort, les pensées vont envahir votre esprit, qui va s'envoler. Si l'esprit s'envole, qu'il n'observe plus les mouvements de l'abdomen, on ne voit rien, ni dans le soulèvement, ni dans l'abaissement. Si on ne voit rien, la confiance ne se développe pas. Le méditant se dit « Je ne remarque rien, je n'expérimente rien ». Si donc vous voulez comprendre l'enseignement du Bouddha, vous devez faire cet effort. Avant d'expérimenter vraiment le mouvement, il est donc possible que vous soyez découragé, fatigué, que vous vous sentiez pris au piège. Mais dès que vous aurez réussi à expérimenter le mouvement, vous allez commencer à y croire, vous allez accepter de fournir cet effort pour être attentif sans interruption et vous serez heureux de votre pratique. That's enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently, ardently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Nature, dukkha, anatta, impermanent or changing, unsatisfactory, not self. Then may you attain Nibbana. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.